journée commence mal. J'ai pas capté le réveil, j'ai raté l'assistante sociale. Ma journée commence mal. J'ai... Ma journée commence mal. Ma journée commence mal. J'ai pas capté le réveil, j'ai raté l'assistante sociale pour mes problèmes de dette. Effectivement, divorcé ou RMI, j'ai plus d'amis, c'est dur à vivre et je crois plus en l'avenir. Mais bon, je me lève, 11h30, des choses à faire, comme régler mes problèmes, renégocier mon découvert. Donc je m'active et je m'arrache à la banque, presque midi quand je suis devant, en plus y'a un peu d'attente. Bientôt mon tour, le guichetier a l'air de s'en foutre, alors que moi je suis à bout depuis que ma vie a fait banqueroute. Je lui explique quand soudain une porte s'ouvre, instant glacial. Je sens la mort, je sens son souffle. Trois sorts, trois mondes, trois rôles, trois cons. Trois destins que tout rassemble, malgré tout ce que les gens pensent. Trois sorts, trois mondes, trois rôles, trois cons. Trois destins que tout rassemble, ce vendredi 3 décembre. Il est midi, moi le quart, je suis derrière le guichet. Plus que trois clients à faire, et ensuite j'ai pas mangé. J'ai pas mal de choses à faire, à la pause déjeuner. Préparer les faire part pour la naissance du bébé. Faire les démarches à la sécu, à la CAF, car on a déjà du mal à payer le loyer de l'appart, une bûche de plus. Et je sais pas comment je vais faire si j'ai pas l'augmentation que depuis des mois j'espère. Perdu dans mes pensées, arrive mon dernier client. Il a l'air au bord du gouffre, donc je l'accueille gentiment. Lui donne les réponses dont il avait besoin. Lui dit que je suis pressé, un homme entre et soudain. Trois hommes, trois mondes, trois rôles, trois tours. Trois destins que tout rassemble, malgré tout ce que les gens pensent. Trois hommes, trois mondes, trois rôles, trois tours. Trois destins que tout rassemble, ce vendredi 3 décembre. Licencié, plus de femmes, plus d'enfants, j'ai des crédits. Il est temps que ça se termine, marre de vivre dans un taudis. Prise de tête, mal au crâne, l'huissier me donne le tournis. Je vois dans le miroir du désespoir qui m'envahit. C'est le jour J, je ressors mon Beretta. Y'a pas le choix, ça passera, ça cassera pas. Y'a pas d'alternative, j'ai déjà fait mes valises et terminé. Et la raison n'a plus aucune emprise. Il est midi moins 5, je suis au café d'en face. Prends un dernier verre sur cette terrasse en gaffe en place. 5 minutes après, les derniers clients sortent. Je me lavais, j'avance et parti, je pousse la porte. Cagoule sur la tête, trois hommes en péril remplis les sacs. Pour mieux vivre des valises innocents, au destin tragiquement lié, à la croisée des chemins, qui sait ce qui peut se passer. Cagoule sur la tête, trois hommes en péril remplis les sacs. Pour mieux vivre des valises innocents, au destin tragiquement lié, à la croisée des chemins, qui sait ce qui peut se passer. Je rentre dans la banque, baisse ma cagoule, braque le guichier. Tu envoies le flou, c'est pas le con avec moi. Paniqué, je déclenche l'alarme silencieuse. Vous calmez-vous, monsieur, je ferai tout ce que vous ma fille demandez. Est trop précieuse, surpris, terrorisé. T'as pas compris ou quoi? Couche-toi, je te braque. Scénarisé, pris de peur, je m'exécute. Le sac sur le comptoir, dis-le, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est la thune ou sa vie, à lui de voir. Je remplis le sac sous pression, soudain j'entends les sirènes. Je vois les gyrophares. Putain, tu m'as donné sale bâtard. Il perd de contrôle et le mec perd les pédales. Lorsqu'il voit que c'est die, en une seconde le coupable. Merde, j'attrape le sac et me retourne. Visée laser sur le torse, là je comprends que c'est mon tour. Tout est confus dans la panique, je touche le sac sans me douter que les snipers, eux n'attendent que ça. Que ça, que ça, que ça. Groupe d'intervention à base, suspect neutralisé. Perte minimum, bâtiment sécurisé. Terminé.